Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 Boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Denis Veilleux. Donc hier, les Aigles de Robertval ont remporté la victoire contre la formation du séminaire Saint-François dans la catégorie Benjamin. Hier, les Aigles ont remporté 1-0 pour prendre le devant 2-1 dans la série. Hier, dans la section entrevue de tendresdesport.com, on a fait le bilan également de l'année du centre de ski de Domiski. Une année quand même intéressante, explique Dave Lamontagne. Ça fait un petit peu notre travail là, avec les accumulations de neige qu'on a eues, malgré dans le temps des fêtes. Là, j'ai dû fermer environ 8 jours là, pour à cause de la pluie. Alors, on a eu un petit peu de froid aussi, là, je te dirais, de la mi-janvier à la mi-février. Mais somme toute, là, on a une excellente saison ici à Domiski. On est bien contents. Puis effectivement, là, pour les conditions là, en fin de saison, là, avec toute la neige qu'on a eue, là, c'était vraiment idéal pour nous. OK. Est-ce qu'on assiste... Et Dave Lamontagne mentionne que le ski de fond a encore la cote. L'alpin et la planche à neige, là, nos plus gros revenus sont là. Le nerf de la guerre, il est là. C'est sûr que la glissade en tube aussi, là, le côté plus familial, là, les cinq semaines, c'est bon aussi. Fat bike, ça reste très minime. Raquette aussi, là, les gens n'ont pas nécessairement l'habitude de payer pour faire la raquette, là. Donc, souvent, les gens viennent, là, quand le chalet est fermé. Puis, c'est souvent, on arrive, ils partent en expédition. On sait qu'il y a le parc national des Grandes Rivières, parc régional des Grandes Rivières en face aussi. Il y a beaucoup d'offres, là, au niveau de la raquette, puisque c'est gratuit. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement des revenus, là, très importants. Il y a le fond, là, qui nous démarque un petit peu, là, par rapport aux autres disciplines en sentier, là, que les revenus sont plus importants, là. Mais tu sais, fat pèse, raquette, là, ça reste un... Terminant le repêchage de la Ligue nationale de hockey pour les séries natoires s'en vient à grands pas au Marcos Pop de Saint-Félicien. Donc, il en coûte 75$ pour s'inscrire. Ça aura lieu mardi le 9 avril prochain. Le prix d'inscription est de 75$ par équipe. Donc, si vous êtes intéressé, contactez le 671-1080. J'invite à écouter la section entrevue de tendresdesport.com. Hier, on a parlé avec Dave Lamontagne du centre de ski de Domiski et on a fait également la chronique des Aigles de Robertval avec Simon Gaudreau. Sport local et régional à tendresdesport.com.